106.9 Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Marc-André Pelletier. À 6h31, bienvenue au 106.9 Mauricie. Ce matin, dans votre temps des fêtes, c'est quand même une surprise à ce moment-ci. En tout cas, le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui doit annoncer sa démission aux gens du conseil municipal à 10h ce matin. Et on lui a parlé hier soir. Robert Pilote a eu une conversation avec lui en fin de soirée. Donc, bien curieux de voir les motifs qui seront avancés lors de cette annonce-là officielle. Mais ce qu'on peut vous dire ce matin, c'est que Trois-Rivières sera en élection quelque part en 2019. Du côté de la météo, vous le remarquez, c'est froid à l'extérieur. C'est quand même moins 21 degrés au compteur ce matin, moins 22 la rive sud et moins 21 aussi du côté de Shawinigan. Mais pour la journée, dans son ensemble, du soleil, quelques passages nuageux en après-midi, maximum à moins 14. Ce soir, la nuit prochaine, des nuages, 2 à 4 cm de neige pendant la nuit avec un maximum à un minimum, devrais-je dire, à moins 24 pendant la nuit à venir. Demain, vendredi, de la neige. En matinée, ça va se changer en pluie verglaçante en fin d'avant-midi, ce qui va perdurer en après-midi, 2 à 4 cm prévus en ce qui concerne la neige avant qu'elle se change en pluie verglaçante, maximum à 3 degrés. Samedi, de la pluie ou de la neige intermittente selon les différents secteurs de la Mauricie et du centre du Québec, maximum de 2 degrés et retour à temps plein du soleil prévu pour dimanche avec un maximum de moins 11. 6h32 ce matin, Raphaël n'est pas là, c'est Mathieu Plante qui se charge de la chronique normalement appelée Raphaël Libre. On va l'appeler Mathieu Libre. Est-ce que c'est là qu'il y a un gros éclair, quelque chose de genre? C'est celle-là, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand vient le moment clé après avoir discuté un certain temps. Donc, ce matin, on va parler de bouffe. Oui, de malbouffe, en fait. Parce que, bon, tu sais, nous, là, on se lève le matin de bonne heure. Moins de bonne heure que Catherine Godreau et son équipe à 5h30 habituellement. On est à 6h pendant les fêtes. Mais on dit que le manque de sommeil, ça encourage la malbouffe. Et la malbouffe, ça rend dépressif. Et ça, ben, c'est un sujet qui me touche pas mal, la malbouffe. Je suis quelqu'un qui mange mal. Comment ça? Je sais pas. J'ai pas de motivation pour cuisiner. Mais honnêtement, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer dans la bouffe. T'sais, on nous dit souvent, oui, mais manger bien, une saine alimentation, tout ça. Mais il y a des métiers, je trouve, qui ne permettent pas ça, au sens où c'est toujours rapidement, puis tu as à peine le temps de manger, fait que tu prends quelque chose de rapide, tu n'as pas le goût de t'installer. Exemple en radio, mettons, tu es de 5h30 à 9h30, 11h puis 14h en ondes, tu mangeras où là-dedans? Voilà. C'est ça. Mais bref, donc, selon un article de Futura Science, lorsqu'on est privé de sommeil, on a tendance à manger plus. Et on est encore plus enclin, selon des chercheurs allemands, à céder à la tentation de la malbouffe. Et ça nuit à notre santé physique, mais aussi à notre santé mentale. En effet, des chercheurs britanniques font maintenant le lien entre la malbouffe et la dépression. Donc, une récente étude menée par des chercheurs de l'Université de Cologne en Allemagne nous apprend que c'est alors vers les aliments gras ou sucrés qu'on se tourne de préférence. Donc, mal dormir pousse à mal manger. Et pour arriver à ces conclusions-là, les chercheurs ont dosé les niveaux de ghrélin dans le sang. Hein? Toi, t'as l'air d'un gars qui a de la ghrélin dans le sang. Ben, bien dosé d'ailleurs. Oui, vraiment, ta ghrélin est bien stable. Bref, dans le sang des volontaires qui ont participé à leur expérience, la ghrélin, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'hormone qui stimule notre appétit. Les chercheurs ont constaté que les concentrations de ghrélin étaient plus élevées au matin, à repas identiques la veille au soir, chez les patients ayant été privés de sommeil pendant une nuit que chez les autres. Ensuite, des IRM cérébrales ont montré une augmentation de l'activité de l'hypothalamus et de l'amygdale après une privation de sommeil. Le premier qui contrôle l'appétit. Le second est associé au circuit de la récompense. Résultat, les volontaires privés de sommeil se sont montrés particulièrement intéressés lorsqu'il leur a été proposé le matin de manger des barres de chocolat ou des croustilles. De quoi faire le lien entre manque de sommeil et obésité. Peut-être aussi tisser un lien indirect entre manque de sommeil et dépression. Ouais. C'est une autre étude, celle-ci de la Manchester Metropolitan University au Royaume-Uni, qui prévient que la malbouffe augmente notre risque de dépression. Mais ça, je suis curieux de voir comment, parce que, tu sais, évidemment, tu prends pas soin de ton corps et en quelque part, il ralentit parce qu'il est occupé à gérer la malbouffe que tu lui envoies. Sauf que je suis curieux d'entendre la suite. C'est sûr qu'il y a du fun, le système. Tu sais, autant que moi, j'ai du fun à manger de la malbouffe, le système doit faire comme « Ouais, cool! » Puis après ça, il le regrette, comme nous autres. Ouais. Ça doit être ça. Donc, les chercheurs ont analysé les données recueillies par 11 études portant au total sur plus de 100 000 personnes de tous âges, de tous sexes, d'ethnies variées et vivant dans différents pays. Les personnes dont les régimes étaient riches en cholestérol, en graisse saturée et en glucides se sont révélées en moyenne 1,4 fois plus susceptibles que les autres de présenter des symptômes dépressifs. Leur explication, c'est que ces aliments seraient à l'origine d'une inflammation chronique du cerveau. Ben voyons. Ben voyons donc. Les résultats qui présentent un potentiel clinique considérable pour le traitement de la dépression, selon le Dr. Stephen Bradburn. La modification du régime alimentaire d'un patient pourrait constituer une alternative intéressante à la médication. Une alternative qui présente que des effets secondaires positifs. Cependant, il convient de souligner que nos résultats montrent une association plutôt qu'une causalité, dit-il. Des travaux plus poussés sont nécessaires, évidemment, comme toujours, pour confirmer l'efficacité d'une modulation des habitudes alimentaires dans le traitement de la dépression. Ça veut dire que si t'es déprimé, si tu manges mieux, tu pourrais sortir peut-être éventuellement de ta déprime. Ah, ouais. Tu sais, quand tu vas au restaurant, une petite salade pour le même prix, là. Hein? Non, mais tu sais, ça devient quand même intéressant. Ben oui. Tu sais, on dit souvent, bon, un corps en santé et l'esprit sain aussi, là, tout ça. Bon. Mais là, ça devient intéressant de dire que tu peux, en tout cas, combattre une certaine partie de tes bébites avec la bonne alimentation. C'est ça. On ne veut pas dire de ne pas se médicamenter si c'est ce que ton cerveau nécessite. C'est un dérèglement chimique dans ton cerveau. Mais de la bonne nourriture, peut-être que ça pourrait te donner... Il y en a qui disent que s'entraîner, ça les remet vraiment en forme, puis ça les sort de la dépression. Donc, s'entraîner, bien manger, ça va un petit peu ensemble aussi. Oui, souvent, ça va de pair, effectivement. Puis, en quelque part, j'imagine que, outre le fait que honnêtement, il n'y a personne au monde qui va me dire que de regarder la salade dans l'assiette, c'est comme « wow, je la désire véritablement ». Personne ne va me dire ça. Mais j'imagine que les effets qui sont relatifs à tout ça, c'est-à-dire que tu vois que, par exemple, tu as plus de souffle, tu perds du poids, tu te sens juste moins lourd au quotidien parce qu'il y a vraiment une grande part d'énergie corporelle qui est déployée pour faire face à ce que tu manges, justement, puis affronter ce que tu ingères. Se traîner soi-même. Exactement. Non, mais c'est vrai, pareil. Tu sais, il y a des moments dans la journée, là, puis je suis sûr que ça vous arrive à la maison, en voiture, peu importe où vous êtes en ce moment, mais tu sais, il y a des moments là, où vous faites comme... Oh. Ah, c'est lourd, puis là, il me semble que tu viens de tomber fatigué pour rien. Ça, c'est le genre de choses, à moins qu'il y ait d'autres complications, évidemment. Évidemment. Mais sinon, c'est le genre de choses qui peut arriver. Puis juste le fait que vous vous endormiez après avoir mangé comme un cochon. Ben, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Puis quand aussi. Tu t'endors devant la télé puis tu as eu des publicités de malbouffe tout le long de la soirée, c'est sûr que tu vas finir par succomber à la tentation. Ah ouais. Tu sais? Fait que si tu t'endors avant de. Quand tu regardes la télé ou pas après avoir mangé. Moi, c'est les deux. c'est ça qui fait une mauvaise forme. Il faut se donner une petite claque une fois de temps en temps, c'est ça que ça veut dire. Ben oui, absolument. Ouais. Absolument. Donc, je comprends bien que le temps des fêtes, pour toi, c'est idéal. Ben, pour paresser, effectivement. Ouais, c'est ça, et pour améliorer les résultats de l'étude en question. Et oui, je pense que tout le monde connaît ça, cette situation-là des fêtes. Il faut se reprendre après. Hein? C'est l'important. On se dit toujours, plus tard, je vais me reprendre. Oui, ben c'est ça. Écoute, c'est le questionnement que j'ai souvent par rapport à ça, de dire, est-ce que... tu te bourres, permets-moi l'expression, puis après que le temps des fêtes soit passé, tu ralentis, tu reviens à la normale, puis bon, on repart. Ou tu fais attention pendant le temps des fêtes. Parce que, tu sais, moi, j'aime ça, le temps des fêtes, pour ça. Tu sais, le ragoût, je trippe là-dessus. Le pâté à viande ou la tourtière, si vous préférez, là aussi, il y a plus de desserts. Je mange pas vraiment de dessert maintenant le reste de l'année. Fait que, tu sais, c'est l'occasion, d'exagérer, en fait. Ben oui, parce que tu regardes le monde qui se retiennent pendant les fêtes, est-ce qu'ils ont l'air heureux? Non. Ah, mais non, mais je peux pas, là. Je peux pas, je fais attention. Ouais. Mais quel mauvais moment pour choisir de faire ça. T'as 11 mois et demi dans l'année pour pas avoir de plaisir. Mais bref, on respecte ceux qui le font. D'ailleurs, ben c'est ben juste qu'on vous trouve plus courageux que la moyenne. C'est juste ça. Je l'ai pas, cette motivation-là. Félicitations. C'est bon pour vous. Voilà. Voilà. Merci, Mathieu. Plaisir, merci à toi. 6h39, on va s'arrêter une dernière fois avant de vous lire les commentaires qui se retrouvent sur notre page Facebook par rapport à la démission annoncée du maire Lévesque ce matin. Normalement, vers 10h, là, le conseil municipal devrait être convoqué à l'hôtel de ville en séance et ensuite, on pourra vous en donner davantage d'informations, probablement. Mais c'est à ce moment-là, logiquement, qu'ils seront avertis du départ du maire Lévesque et aussi donc les commentaires Facebook 819-376-1069 aussi si vous voulez participer à la discussion. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ce matin qu'Yves Lévesque quitte la politique municipale? 819-376-1069, bonne ou mauvaise nouvelle, le départ d'Yves Lévesque ce matin. Merci d'être au 106.9 Mauricie.